Non d'être assuré par Rodrine Ndaikeza et Ange Noela Mucho Witeka. Vous écoutez la radio Isanganiro, votre station préférée émettant depuis Bujumbura, le grand rendez-vous de l'édition de la mi-journée de ce quatrième jour du mois de septembre 2018. D'abord les grands titres. Après qu'un membre du conseil communal d'une des communes urbaines de Bujumbura ait manifesté ses inquiétudes sur la gestion de sa commune de la mairie de Bujumbura, le ministère du Développement communal affirme que les trois communes urbaines ne sont pas autonomes. Vous entendrez le porte-parole de ce ministère dans cette édition. Et au sommaire également, ces 31 écoles publiques et privées qui viennent de perdre le quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Une décision prise par janvier Andila Hicha, la ministre ayant l'éducation et l'enseignement des métiers. Dans ses attributions, vous en saurez plus. À Kayanza, on parle de 6 tonnes de farine de manioc ravagées par l'incendie qui s'est déclaré au marché central de Kayanza la nuit de ce lundi. Et vous en avez l'habitude, tous les mardis, vous avez droit à la chronique santé. Celle d'aujourd'hui est une rediffusion qui nous parlera des cardiopathies congénitales. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, je vous l'avais dit en titre, 6 tonnes de farine de manioc ont été réduites en cendres au marché central de Kayanza. C'était au cours de cette nuit lorsqu'une maison contenant cette denrée a pris feu. Le camion extincteur en province de Ngozi est arrivé tardivement. Pour éteindre cet incendie. Les commerçants de Kayanza demandent le retour à Kayanza du camion extincteur qui serait parti en Ngozi alors qu'il était garé ces derniers jours tout près de son marché. Et page éducation, le quatrième cycle de l'enseignement fondamental a été fermé dans 31 écoles sur le territoire national. Parmi les 31 établissements scolaires, 28 sont de la mairie de Bujumbura, 2 de la province Chibitoke, un autre de la province Lumonge. Cette mesure a été prise par le ministère de l'Éducation après les résultats du récent concours national. Où toutes ces écoles ont eu une note inférieure ou égale à 20%, le ministre ayant l'éducation dans ses attributions demande aux parents des élèves dans ces écoles de les réinscrire dans celles qui sont performantes. Richard Kobgarugira a lu l'ordonnance ministérielle y relative. À la veille de la rentrée scolaire 2018-2019, le quatrième cycle de l'enseignement fondamental a été fermé dans 31 écoles par le ministère ayant l'éducation dans ses attributions. Ces écoles qui ont vu fermer le quatrième cycle de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire les classes de 7e, 8e et 9e, sont réparties en mairie de Bujumbura, dans la province Chibitoke et la province Lumonge. En mairie de Bujumbura, 28 écoles sont concernées par cette mesure. Il s'agit du lycée de l'avenir, du lycée technique Bukila Sazi, Sunshine College, École Le Flambeau, Lycée Technique Kibanguiste, Lycée Technique de la Foi, Lycée Komibunya Kabiga, Lycée Javé, Edak, Etalibou, Ekof, Lycée du Large, Lycée William Thompson, Lycée Nelson Mandela, Ekosa, Lycée Technique Charama, École Don Joseph, Lycée Technique Don de Dieu, Lycée Technique d'Alliance, Lycée de l'Humanité, Lycée Eglac, Lycée Chibitoke 1, Lycée Idéal Horizon, Lycée Newton, CS Kanyosha, Lycée Africain, ISP et EPOCA. Dans la province Chibitoke, la mesure s'est appliquée sur le lycée communal Vitare et le collège des Anges. Et en province Lumonge, une seule école est concernée, c'est le lycée islamique Erge. Cette mesure a été prise après les résultats du concours national édition 2017-2018 où toutes ces écoles ont eu une note inférieure ou égale à 20%. Les parents des élèves qui fréquentent ces écoles sont priés par le ministère de l'Éducation de faire la réinscription de leurs enfants dans d'autres écoles et établissements plus performants et qui organisent des enseignements conformes aux normes pédagogiques requises. Merci Richard, on s'excuse pour la qualité de cet élément sonore. Toujours la PJ Éducation à quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019. Plus de 400 salles de classe manquent encore dans les écoles de la province de Bobanza, selon le directeur provincial de l'enseignement. Philbert Abouniman apprécie la promesse des administrateurs des communes qui ont accepté de fournir aux écoles fondamentales des bancs pupitres. N'est-ce pas, Pescaritas Kabanyan? Dans la direction communale de l'enseignement à Bobanza, il manque 140 salles de classe pour pouvoir asseoir tous les élèves au cours de l'année scolaire prochaine 2018-2019. En commune Rugazi, il manque 109 salles de classe. En commune Manda, 61. En commune Gihanga, 60. Et à Musigati, 48. Selon les rapports disponibles à la direction provinciale de l'enseignement de Bobanza. Le directeur provincial précise que c'est le même problème pour les tableaux noirs, puisque chaque salle de classe dispose d'un ou de deux tableaux noirs. Cela étant, les parents se lamentent d'avoir contribué en construisant des salles de classe qui n'ont pas eu de tôle pour les couvrir. Et ils déplorent le fait que les enfants risquent de ne pas bien suivre les leçons puisqu'ils seront très nombreux dans les salles de classe disponibles. La capacité d'accueil est largement dépassée, même depuis l'année passée, suite au manque de salles de classe. Philbert Habonimana, directeur provincial de l'enseignement, reconnaît cependant la promesse des administrateurs des communes qui ont commencé depuis l'année scolaire passée à donner des bons pupitres aux écoles fondamentales. Spes Caritas Kabanyana, Bobanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Après une courte pause, on va passer à la page gouvernance. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04, page gouvernance à présent, comme je vous le disais tout à l'heure, les trois communes de la mairie de Bujumbura ne sont pas évaluées par le ministère du Développement communal de la même façon que les autres communes du pays car elles ne sont pas autonomes. En ce qui concerne les finances, cela est dit par le porte-parole de son ministère. C'est après qu'un membre du conseil communal de la commune Mukaza ait soulevé la semaine dernière des inquiétudes expliquant que les communes de la mairie risquent de se classer dernière, car elles ne sont pas considérées comme d'autres communes du pays. Balthazar Nyonzima indique qu'une commission hiérarchique a été mise sur pied pour analyser ce problème. On l'écoute, il est au micro d'Evariste Nzikobanyan. Les trois communes de la mairie de Bujumbura ne sont pas sujettes à cette évaluation, commissaire Rirard. La raison est simple, c'est que tout simplement les communes de la mairie de Bujumbura ne sont pas décentralisées. La décentralisation n'est pas achevée au même titre que sœur Rirard. Pour dire tout simplement que les communes de la mairie de Bujumbura sont administrativement décentralisées et ne connaissent pas de décentralisation financière. Lorsque nous nous sommes rendus à l'évidence que les communes de la mairie de Bujumbura n'ont pas le même statut que celles du milieu rural, la question a été portée aux instances habilitées, là je dis bien les superstructures, pour trouver solution. Et c'est à partir de là, je crois en 2016, qu'une commission a été mise sur pied, une commission mixte, pour justement se pencher sur cette question. Et j'ose croire que, et pour question de prudence dans les démarches de cette commission-là, parce qu'ils doivent puiser les expériences, par exemple, dans d'autres pays, les pays de la région, pour voir comment les communes des mairies de ces pays-là sont décentralisées. Et de cette façon-là, pour pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris, pour pouvoir appliquer au contexte purement burundais. Ces mêmes membres des conseils communaux, des communes municipales, ils s'inquiètent disant que si une fois ils ne sont pas évalués, leurs communes vont rester dernières. Qu'est-ce que vous en dites? L'évaluation est là, nous effectuons cette évaluation pour pouvoir constater les faiblesses au niveau de la gestion de la vie d'une commune. Alors, vous comprenez que si une commune n'est pas évaluée, c'est-à-dire que ces faiblesses-là ne sont pas décelées et par conséquent, les responsables ne savent pas comment peut-être pouvoir les rectifier là où ça ne marche pas bien. Donc, si les communes ne sont pas évaluées, c'est une grande perte et risque d'être en arrière. Et page commerce à présent, 30 sortes de jus sont déjà reconnues pour être au marché alors qu'ils ne sont pas certifiés par le Bureau burundais de normalisation. C'est confirmation depuis Claude Nikwigidze, directeur général adjoint de ce bureau. Il lance un appel aux autorités administratives et locales de contribuer dans l'éradication de cette commercialisation des produits non certifiés. Ici, au bureau du BBN, nous disposons une liste des produits locaux qu'on a trouvés au marché, mais qui ne sont pas certifiés. La liste est pour le moment, on arrive jusqu'au nombre de 30. Il y a 30 produits locaux qui ne sont pas certifiés, mais qui sont sur le marché. Parmi les produits que nous avons trouvés, il y a un produit appelé Nezerwa Soft Drink Tangawizi, Diva Drink, Petirab Juice, Pineapple Juice, coriandre, gingembre, Memburo et autres produits. Il y a une semaine exactement, c'était mardi, vous étiez sur 21 sortes de jus. Maintenant, apparemment, la liste s'est allongée. C'est par rapport au travail que vous avez fait au courant de cette semaine ou c'est la liste que vous aviez le jour que vous avez donné les 21 sortes de jus. Mardi, on était sur le 21, mais les inspecteurs étaient également sur le terrain. Après retour, ils ont actualisé la liste, raison pour laquelle, pour le moment, nous arrivons au nombre de 30. Vous trouvez que vous êtes à mesure d'eau, parce que ça s'étend et ça évolue chaque jour. Vous trouvez que la BBN est capable à lui seul de faire face à ce fléau? Compte tenu du personnel dont nous disposons, mais aussi des moyens de déplacement, nous ne sommes pas capables de couvrir tout le territoire national. Raison pour laquelle j'interpelle l'administration, mais aussi la police, de nous prêter main forte pour que nous puissions saisir de tels produits, étant donné que la liste est à la disposition de ceux qui le veulent. Le directeur général adjoint du BBN au micro de Naomi Nitegeka. Et saisir les boissons prohibées est l'une des préoccupations quotidiennes au ministère burundais de la Sécurité, explique le porte-parole de son ministère. Pierre Nkurikiye fait savoir que ce ministère a été surpris par l'activité récemment menée par le Bureau burundais de normalisation BBN. Parfois, il est difficile de savoir si les documents exhibés par les commerçants de ces boissons sont fraudulés. Pierre Nkurikiye appelle tout Burundais à être vigilant vis-à-vis de ces boissons, que ce n'est pas seulement une affaire du BBN ou de la police. Un troisième sommet Chine-Afrique se tient à Pékin lundi et mardi les 3 et 4 septembre, selon une analyse de l'ambassadeur Cyprien Bonima. La Chine a essentiellement besoin de trois choses, à savoir les matières premières, le marché d'écoulement, mais aussi un soutien politique. Suivez-le au micro de Léonce Abitali. La Chine est une puissance qui, ces 30 dernières années, s'est développée énormément. La Chine a maintenant beaucoup de réserves. La Chine a beaucoup de moyens. Mais il y a trois problèmes, la Chine. Le premier problème que la Chine a, c'est le problème des matières premières pour son industrie. Et ces matières premières, l'Afrique en a. Deuxième chose que la Chine cherche, c'est un marché d'écoulement de ses produits. Car la Chine a produit des biens, il faut les vendre quelque part. L'Afrique, c'est un continent avec plus d'un milliard d'habitants. Ça veut dire des consommateurs. La Chine voudrait que ces milliards consomment produits chinois. Et je pense que nous avons déjà commencé à le faire. Si vous regardez le nombre de produits chinois qui sont sur le marché. Le troisième intérêt de la Chine, c'est un intérêt politique. La Chine a besoin de soutien. Regardez au niveau des Nations Unies, la Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est parfois en conflit avec les États-Unis d'Amérique. Elle a donc besoin de soutien politique. Pour sa part, et selon toujours ambassadeur Cyprien Bonima, l'Afrique, dont le Burundi fait partie, a besoin de l'aide chinoise. Seulement, ce continent reste endetté auprès de la puissance chinoise. Encore une fois, Cyprien Bonima. L'Afrique a certes des richesses du sous-sol, mais ces richesses du sous-sol, pour les exploiter, il vous faut de la technologie, il vous faut des moyens. La Chine, par exemple, l'Afrique a besoin de routes, nous avons besoin de chemins de fer, nous avons besoin de produits de l'énergie électrique. Bref, nous avons beaucoup de besoins. Alors, si par exemple vous adressez la Chine en disant, voilà, moi j'ai besoin d'une route, que va faire la Chine? La Chine va vous dire, écoutez, cette route, nous avons calculé, je vous donne un exemple, elle va coûter par exemple 200 millions de dollars. Alors, je vous donne un crédit de 200 millions de dollars. Mais les 200 millions de dollars, vous n'allez pas les avoir. La Chine va demander aux entreprises chinoises de venir vous construire cette route. Bien sûr, vous aurez cette route, mais vous aurez aussi une dette de 200 millions de dollars. Une dette comment? Que vous avez remboursé. Votre route que vous avez construite, ça a été construit avec un crédit chinois. Vous avez la route, Mais vous devrez aussi rembourser au crédit, c'est normal. Et pour le Burundi précisément? Mais le Burundi, nous sommes parmi les autres pays, comme les autres pays d'Afrique. Nous avons des besoins énormes. Nous avons des ressources minières, certes, mais ces ressources, pour les exploiter, il vous faut de la technologie, il vous faut de l'argent. Et nous avons besoin de faire des routes. Nous avons donc les mêmes besoins que d'autres pays africains. Et nous avons besoin d'un partenaire important, par exemple la Chine. Et la Chine qui pose, si vous voulez, moins de conditionnalité. Ce n'est pas comme les pays européens qui vont vous dire voilà les droits de l'homme, tout ça. Les Chinois disent voilà, nous, les droits de l'homme, ce n'est pas notre problème. Vous venez en repère et puis c'est tout. Et parlons droit de l'enfant à présent. Lancement officiel du portail de signalement des images d'abus pédopornographiques ce mardi lors d'une conférence de presse organisée ce mardi par la FENADEB. En collaboration avec l'association Internet Watch Foundation, Jacques Chimimana, président de la FENADEB, précise que ces images sont nuisibles au développement psychique de l'enfant. Écoutez Jacques Chimimana. Donc c'est un pas très louable au niveau des défenseurs des droits de l'enfant burundais parce que nous sommes le troisième pays après la Tanzanie et la République démocratique du Congo à accéder à cette technique de pouvoir bloquer la circulation des images qui mettent en scène les enfants et des images pédopornographiques. Donc c'est une étape très louable dans la mesure où demain après demain, d'ailleurs à partir de maintenant, aucune image, aucune vidéo qui met en cause nos fillettes, nos filles ou nos enfants ne pourra circuler sur les sites internet. C'est-à-dire que nous serons capables de bloquer, de stopper cette circulation des images en moins de 24 heures. Nous avons permis même l'accès à tout le monde, à tout le public, à ce formulaire sur internet. C'est un formulaire qui est disponible sur internet dont chacun pourra compléter et envoyer directement les informations aux techniciens, aux experts de IWF qui sont basés en Angleterre et qui pourront immédiatement procéder au retrait de ces images en circulation. Donc, c'est-à-dire, désormais, nos enfants ne pourront plus rester éternellement des victimes des images pédopornographiques. Et avant de passer à la chronique, vous voudrez bien nous excuser, ce n'est pas le ministère du développement communal qu'on parlait tout à l'heure, c'est plutôt le ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi, c'est une rediffusion. Elle nous parle du traitement des cardiopathies congénitales. Le chirurgien cardiothérapeute Pierre Clavard-Nyonzima trouve que la chirurgie de ces malformations est faisable dans certains cas au Burundi, mais elle doit appeler la conscience de différents intervenants dans le domaine de la santé pour qu'elle connaisse des succès. Pour lui, quand le cœur a un problème, c'est tout le corps humain qui est affecté. Francine Diokoukaï. Le cœur est un organe dit essentiel car le corps ne peut pas fonctionner en son absence. C'est cet organe qui permet la circulation du sang selon le chirurgien cardiothoracique Pierre Clavert-Nyonzima. Le cœur d'abord c'est un muscle mais qui a un rôle spécial. C'est le cœur qui pompe le sang dont l'organisme a besoin et le propulse à travers tout l'organisme. Et c'est le cœur qui correcte le sang qui provient de l'organisme et finalement ça contribue beaucoup plus dans la perfusion de l'organisme. Si le cœur ne fonctionne pas normalement, c'est tout l'organisme qui est touché. Le docteur Pierre Clavert-Nyonzima parle ici des différents types de cardiopathies congénitales et ce qui les caractérise. Il y a donc des cardiopathies congénitales avec bas débit pulmonaire. Il y a des cardiopathies congénitales avec un débit pulmonaire sanguin qui est élevé. Et si vous voulez, il y a d'autres types de catégorisation. Il y a les cardiopathies congénitales intracardiaques et extracardiaques. Les cardiopathies congénitale à bas débit pulmonaire. La manifestation la plus évidente, c'est une coloration au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, au niveau de la langue. Généralement, il y a une décoloration bleuâtre, ce qu'on appelle communément cyanose.